famine rassemble les frères, sans savoir qui se tient devant eux. Joseph cache ses larmes derrière le pouvoir, et la vérité attend son feu. Les sacs se remplissent, l'argent revient, la peur éveille les souvenirs. Les faux du passé réclament justice. Dans le tremblement de l'avenir, la conscience part quand la survie ne suffit plus. Quand le passé tu veux restaurer.